Bonsoir et bienvenue dans ce 15e numéro de la saison 4 de SpaceX, la première émission dédiée aux doyens des clubs français. Et les semaines se suivent et se ressemblent comme un jour sans fin, sauf que chez nous, c'est pas le jour de la marmotte, c'est le jour du match nul. On va essayer d'être moins ennuyeux que les matchs du hack et que cette fin de saison et revenir sur la rencontre au stade Raymond Coppa de Angers, mais aussi et surtout sur l'opération maintien. Et pour tout ça, je suis comme d'habitude entouré d'une équipe de choc que je vais vous présenter de ce pas. Laissé sur le banc il y a deux semaines après des dizaines et des dizaines de titularisations consécutives, le capitaine de l'équipe est de retour plus affûté que jamais. Bonsoir Thomas. Salut Guillaume. Salut à tous. 1+1+1, l'opération maintien est soporifique, mais mon prochain acolyte tient pour le coup. Tiens, bon le coup, pardon. JC est des nôtres également. Bonsoir JC. Bonsoir JC. Peut-être pas là. Ouais, je le vois, mais est-ce qu'on l'entend pas? JC? JC bug. JC, tu nous entends? On m'a perdu JC. JC. JC, fais coucou si tu nous entends. Je suis là. Oh là là, mais je le sens moyen là. Bonsoir Guillaume, bonsoir. Entends-moi, bonsoir à tous. Tout va bien, tu es là, c'est le principal. Après, tu feras des gestes, on te comprendra comme ça, c'est pas méchant, hein, t'inquiète. On va se débrouiller, on va se débrouiller. Membre fondateur du fan club de Haruna Sanganté, il est de retour parmi nous. Après plusieurs semaines d'absence, l'expert Sorar est à nos côtés ce soir. Bonsoir Clément. Salut, ça va? Ouais. Ça marche. Alors, je tiens à le préciser qu'on s'est pas synchro. D'habitude, je suis habillé... Et les gars sont super bien sapés, et là, ils ont tous un maillot de foot, et moi, j'ai tapé la chemise. C'est pas grave. Faut que je montre l'exemple. Voilà. Fais voir au beau maillot, Clément, fais voir ton maillot du SCO. Angesco, 2008-2009. Ouais, magnifique. Alors, j'ai l'impression que JC, il a un gros décalage. JC, t'es encore à la 3G, ou sinon, on va lui poser les questions au début de l'émission, puis on entendra sa réponse à la fin, quoi. Ouais, regardez, je crois qu'on a perdu JC. JC, là, il est en bug. Ouais. JC, il est en Ouzbékistan. Mais je sais pas s'il nous entend. JC, tu nous entends ou pas? On fait des tests, hein. C'est ça, c'est la magie du direct. Hein. Écoutez, de toute façon, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, en tout cas sur le côté. Non, mais j'ai l'impression que JC est vraiment en Ouzbékistan. JC, si tu m'entends, déconnecte-toi et reviens. Ouais, voilà, c'est mieux. Se déconnecter et revenir, on le fera. Voilà, on verra comment ça se passe après. Bref, je reprends le cours, mais SpaceX, c'est avant tout votre émission. Ceux qui sont là dans l'auditorium, on va dire. Voilà, c'est ça, celle qui donne la parole à tous les supporters qui le veulent. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaire et si l'envie vous en dit, de nous rejoindre en direct et en studio, sauf si vous êtes en Ouzbékistan, comme j'y sais. Envoyez-nous un petit mail à l'adresse qui s'affiche juste en bas, spacesac.contact@gmail.com, ou contactez-nous directement sur Facebook ou Twitter. Petite nouveauté, je tiens à vous le signaler, vous allez le voir durant l'émission. On a une nouvelle fonctionnalité qu'on va vous faire découvrir ce soir, qui va vous permettre d'interagir encore plus avec nous. Vous allez voir, au fur et à mesure d'émission, on va vous diffuser des sondages, vous allez pouvoir répondre en direct et pouvoir intervenir dans les débats comme ça avec nous. Donc voilà, ça va être encore plus fun, encore plus participatif. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre et puis à venir participer avec nous. Alors ce soir, on vous emmène en voyage, un voyage au bout de l'ennui, car oui, depuis quelques matchs, cette fin de saison est soporifique, je le disais tout à l'heure. 8 matchs consécutifs sans victoire pour le HAC, 3e match nul de suite. Le HAC avance à petits pas et on va encore serrer les fesses jusqu'à la fin. Vous allez me dire, on est habitué, hein, c'est pas très grave. Bon, j'essaye de rajouter JC. Ok, ça marche, mais JC, allô? Allô JC? JC, nous entends-tu? Ouais, je suis là. Ça a l'air mieux. Je vous entends. JC, lève le bras. Vous m'entendez pas. Si. Si on t'entend. Présent. Ok, bon, il y a un petit décalage de 10 secondes. Ça marche. L'émission va se finir à 23h, c'est pas grave, mais content d'avoir JC avec nous. Ça va le faire. Moi, je suis en vacances, donc pas de problème. On a remarqué que tu es en vacances. C'est quoi la capitale de l'Ouzbékistan d'ailleurs? Je sais pas, je connais pas. Voilà, renseigne-toi. Bref, On y va. Je reprends le fil quand même. Avant de parler de fin de saison, de maintien, etc. Donc, petit retour en arrière jusqu'à samedi en fin d'après-midi. Au stade Raymond Coppa, le HAC y affrontait Angers, une équipe qui est quasiment assurée du maintien, mais qui n'est pas au mieux de sa forme ces derniers temps. Et pour démarrer la rencontre, comme d'habitude, le coach avait choisi cette fois une équipe qui avait de la gueule, Thomas. Ouais, pas trop de surprise. Sauf si tu nous mets pas la compo. Ouais, bah, de toute façon, c'est la journée des. Voilà, c'est la journée des. Ouais, ça. Pas trop de surprise, parce que Samata revenait bien, donc c'était logique de le voir. Soumaré, il est quand même un petit peu indéboulonnable, donc c'est logique de le voir. Bouffal, retour au titulaire, parce que, bah, voilà, on n'avait pas trop compris pourquoi il n'était pas forcément titulaire la dernière fois, donc assez logique. Gourdin Ndiaye pour, voilà, pour faire la transition entre le milieu et la défense. Et puis derrière, pareil, pas trop de surprise. À part bah, le fait éventuellement d'avoir la défense à 3/5 selon les phases, qui n'est pas forcément. Toujours au goût de tout le monde, je laisserai Clément faire un point là-dessus. Mais ouais, mais effectivement, bah, quasiment toutes les forces en présence et quasiment tous les gens que tu imagines dans le 11 de départ quand tu n'es pas de blessé. Donc belle équipe sur papier, quasiment ce qu'on peut aligner de mieux, hein, faut être honnête. Ouais, il manquait juste JC sur la compo. Je pense que JC l'aurait été important. Je teste JC en fait, vous remarquerez. C'est bon, il a capté. Je crois pas. Bonne soirée Quentin, à plus. Ouais, tu n'hésites pas, bah, tu nous regardes en replay et tout. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, Émilie, etc., Groot, Quentin, j'ai vu Guillaume aussi tout à l'heure. Salut tout le monde. Clément, donc on l'aime ou on n'aime pas, mais Didier Digard a l'air d'apprécier ce schéma tactique. Tu en dis quoi toi? Ouais, bah j'ai regardé un petit peu sur SofaScore, là ça fait troisième fois d'affilée qu'ils utilisent cette défense à 5. Alors maintenant c'est les défenses un petit peu, les schémas tactiques un peu hybrides que les jeunes coachs raffolent. Comme disait Thomas, ça passe parfois avec trois défenseurs, parfois en 4-3-3 à plat, avec Bouffal qui a un rôle un petit peu d'électron libre entre le milieu et l'attaque. Moi, ce que j'ai... Alors après, je ne sais pas si c'était une consigne du coach ou quoi, mais ce que j'ai trouvé vraiment décevant, c'était l'apport des deux pistons, Zouaoui et Doucouré, en tout cas en première mi-temps, où je trouvais qu'ils faisaient vraiment le rôle d'arbitre de touche. Quoi. Ils étaient vraiment collés à la ligne et ils ne participaient pas du tout au jeu. Alors, je ne sais pas si c'était voulu pour essayer d'étirer le bloc d'Angers ou est-ce que c'était eux qui n'ont pas forcément été à l'initiative. Mais ouais, c'était, bah, c'est une... Moi, les défenses à 5, j'ai toujours un petit peu de mal avec. Surtout que, bah, comme on l'a vu lors du premier but, tu as toujours des problèmes de profondeur entre ton central et ton piston. Donc ouais, j'étais un peu mitigé sur cette défense-là en tout cas. Pourtant, Doucouré, je te relance là-dessus, Clément, Doucouré, il avait quand même fait un bon match contre Nice. Et là, c'est vrai. Ouais, non, mais après, c'est pas tellement les mêmes Zouaoui à faire finalement en seconde mi-temps. Je trouve que c'est un peu plus. Il a joué un peu avec un peu plus d'allant et finalement, Zouaoui sort un bon match, encore une fois. Peut-être un des meilleurs à vrai. Je pense que ça fait deux fois où c'est le meilleur à vrai sur le terrain. Mais c'est pas tellement les hommes. Je trouve que avec les joueurs qu'on a, on pourrait. En tout cas, quand on veut prendre des points, on pourrait jouer plutôt avec une défense à 4. Après, s'il veut faire un système un peu hybride, comme faisait un peu Elsner, faire redescendre de courir de temps en temps. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas faire participer plus nos pistons, un peu comme ce qui se fait à Rennes, parce que Rennes a un peu le même système que ça. Et je trouve que quand tu vois le rôle de El Tamari, par exemple, à Rennes, ou de Quentin Merlin, ça n'a rien à voir avec ce que nous propose Doucouré et Zouaoui. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes joueurs, mais ouais. Juste dans l'utilisation, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant sur Rennes, quoi. En tout cas, JC, c'est encore une fois un conquérant qui a débuté la rencontre quand même, comme à Nice la semaine dernière, avec de bonnes intentions. Vous pouvez aller prendre un café, les gars, maintenant. C'est ça, je te dirais même plus comme à Nice, comme au Paris FC, mais aussi comme à Brest, où les débuts de match étaient plutôt cohérents. Sauf que là, bah, l'avantage, enfin, ce qu'on a fait de bien là, dans cette première demi-heure, entre guillemets, c'est qu'on a réussi à ouvrir le score. Chose qu'on n'avait pas réussi jusqu'à présent. Donc, on a eu des situations, des occasions, et enfin, on a scoré. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Donc, voilà, plutôt un début de match cohérent, comme dans la lignée de ce précédent. Et surtout qu'on a réussi à scorer et non à encaisser. Comme vous pouvez le voir par-dessus la tête de Thomas, pour le moment, il y a un petit sondage qui vient d'apparaître. Donc, vous pouvez y répondre. Nous, on abordera le sujet après la rencontre. Un point gagné ou deux points de perdu. Alors apparemment, c'est la Star Academy. Tapez un ou deux dans le chat. Donc, Donc allez-y, n'hésitez pas, savoir si vous les souhaitez éliminer JC ou le sauver. C'est parti. JC, défends-toi. J'entends un mot sur deux, donc en fait... Non, je plaisante, arrêtez de dire deux, et on a besoin de JC, déconnez pas, la saison n'est pas finie. Bref, c'est logiquement que le hack est venu ouvrir le score, comme l'a dit JC, par l'intermédiaire de Sofiane Boufal, qui est venu marquer son premier but sous les couleurs ciel et marine sur le terrain de son club formateur. Alors Thomas, est-ce qu'à l'image de Ali Samata la semaine dernière à Nice, c'est une première qui récompense Sofiane Boufal pour tout ce qu'il apporte au club depuis son arrivée, hein? Ouais, puis c'est un peu l'avis général que j'ai vu à gauche à droite. C'est vrai qu'il avait beaucoup donné, il fait quand même un bon rôle de détonateur devant. Il n'avait pas encore scoré, donc ça vient récompenser ça. Et puis bah, il était dans son jardin, hein. Faut pas oublier qu'il vient d'Angers à la base. Ouais. Donc on sentait qu'il avait bien ses repères, hein. Je l'ai trouvé très enjambé hier et le but voilà, vient récompenser bah, globalement effectivement une demi-saison qui est plutôt bonne sous nos couleurs, hein. On n'a pas trop à se plaindre de l'apport de Sofiane Boufal depuis qu'il nous a rejoint en janvier. Ouais, Clément, t'as pensé quoi de ce but de Boufal? Ou même plus globalement de ce qu'il apporte chez nous depuis le début de la saison. Bah Boufal, après, encore une fois, c'est un joueur, c'est un magicien. Comme tous les joueurs de talent, malheureusement, il y a des matchs où il peut passer un peu au travers, mais pour moi, c'est un gars qui illumine le jeu. Peut-être parfois un peu trop, parce que je pense que ce que disait Vivien la dernière fois, s'il n'a pas forcément tort, c'est que ses coéquipiers vont essayer de lui faire la passe ou de le chercher, plutôt que peut-être... d'aller trouver une meilleure passe devant. Mais en tout cas, ce but-là, ça récompense son état d'esprit, ça récompense aussi ses prestations que je trouve relativement abouties. Et ça va lui faire du bien aussi au niveau de la confiance. Je pense que même s'il était décisif, ce premier but, ça peut peut-être en appeler d'autres. Je vois le commentaire de Guillaume que tu nous passes, Thomas. Incroyable de l'avoir mis remplaçant la semaine dernière. Je crois que le coach l'avait laissé souffler, il me semble, parce que bah, il a plus, comme on le disait, 90 minutes dans les jambes et que bah, il fallait le laisser souffler. Et là, le retrouver titulaire, bah, regardez, ça a payé. Il a marqué dès la 16e minute, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, après on verra sur les prochaines échéances. Mais voilà, puis Samata a fait le taf aussi à Nice, mais on va pas revenir dessus. Donc après le but de Sofiane Boufal, le hack a continué de pousser, de tenter, comme cette lourde frappe de Rasoul Ndiaye à la 19e minute. Très bien arrêté par Kofi, et après, bah plus rien. Comme souvent cette saison, le hack a relâché la pression et s'est fait punir 15 minutes plus tard par Prosper. Clément, comment t'expliques toi qu'on s'aborde comme ça alors qu'on avait si bien démarré la rencontre? Après, je trouve un petit peu dur. Je sais pas si on a vraiment lâché, parce que Angers, il n'avait pas forcément montré grand chose avant ce premier but. Et le premier but est vraiment très très beau. Hein. Bien construit. Non, il n'y a rien à dire. C'est un très beau but. Qu'on voit pas forcément malheureusement assez souvent au Havre, mais je pense qu'à mon avis le Havre était bien dans son match. Derrière, bah t'encaisses, et je pense que après physiquement et mentalement c'est un peu plus compliqué. Même si globalement, en tout cas en première mi-temps, je trouve qu'on a relativement bien maîtrisé. Il y a peut-être 10-15 minutes où on est un petit peu dedans après le but. Même dans une mi-temps, je trouve qu'on était on n'était pas si mal que ça. Angers a pas eu de grosses occasions. Nous on a eu une occasion qui aurait pu aller au fond aussi. Bon, c'est comme ça. Hein. En tout cas, voir le hack aussi bien démarrer et relâcher comme ça, je trouve que c'est frustrant. Enfin, voilà. Et en parlant de frustration, j'aimerais juste faire un petit focus sur une action qui a eu lieu à la 12e minute de jeu, une action de Issa Soumaré. Il arrive à récupérer la balle sur une passe en retrait d'un Angevin. J'ai pas noté lequel. Voilà. Passe complètement foiré vers sa défense, et c'est Soumaré qui la récupère, qui se présente seul face à Kofi. Et perso, je savais qu'il marquerait pas. Je sais pas, je suis tellement habitué. Voilà. Mais Thomas, est-ce que sur ce coup-là, il a pas bouffé la feuille de match, Issa Soumaré? Oh, bouffer la feuille de match, c'est un peu rude, parce que c'est quand même lui qui fait la passe décisive après. Je suis dur ce soir, hein. Ouais, carrément, ouais, t'es un peu violent. Je suis chafouin. Je vais aller mettre un maillot, ça me détend. Après, c'est la 12e minute de jeu, donc si c'est ta dernière occasion, c'est la 12e minute de jeu, c'est pas ton avant-centre le fautif. Non, là où c'est dommage, c'est qu'on aurait pu se mettre bien, bien plus tôt, et qu'effectivement, on a fait un très bon premier quart d'heure. Et c'est dommage de ne pas avoir enfoncé le clou. Hein. Comme tu dis, il y a eu une occasion après, il y en a eu celle-là avant. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que finalement, on n'arrive pas, on n'arrive plus depuis quelques matchs à se mettre à distance, on n'arrive pas quand on est devant à enfoncer le clou, et bah, du coup, tu restes tout le temps à l'abri d'une égalisation, et ça fait trois matchs effectivement qu'on finit sur un score de 1-1 parce que bah, on n'arrive pas à être au devant 90 minutes. Clément, toi, t'étais dégoûté hein, quand tu l'as vu rater ce casse, et même Digard lui en a voulu d'avoir foiré comme ça. Mais là, ça se voit que c'est pas un attaquant de pointe quand tu vois ce genre de choses. On t'entend plus, Clément. Excuse-moi, sinon je sais pas ce que c'est pas. Je croyais que t'étais parti avec JC. Ah non, ah non. je disais en fait ce qui m'a toujours énervé avec lui, parce que bon, c'est vrai que j'ai jamais été très fan de Soumaré, ça, je pense que tout le monde le sait, mais c'est qu'en fait il met tellement de nonchalance. Alors après, je pense que c'est dans son caractère, c'est pas forcément sa faute, mais à chaque fois il met tellement de nonchalance que ça en devient exaspérant, quoi. Les pénaltys qu'il loupe, cette action là où en fait il se précipite, il y a pas forcément besoin de se précipiter. Et il y a derrière, il y a même encore, je crois qu'il loupe un face à face aussi, de souvenir, en deuxième mi-temps, non? Deuxième mi-temps, ah oui, ouais, on va en parler, mais ouais, il loupe un, mais ouais, mais c'est la même chose, quoi. Alors que bon, c'est des choses normalement, quand, enfin, après, bon, encore une fois, c'est aussi intrinsèque au joueur. T'as le talent ou t'as un peu moins de talent, mais je pense normalement sur des joueurs qui sont en confiance, mais qui ont un petit peu de talent devant le but, ces occasions-là, ça fait filoche, quoi. On va tenter JC. On va tenter. JC, pourtant, Soumaré, il excelle dans le jeu de tête, dans les récupérations de balles aériennes. Est-ce que ça en fait pas quand même un joueur précieux pour nous à ce niveau-là? Je pense que oui, c'est pour ça qu'il est autant titularisé par Digard. Même quand il fait un match relativement médiocre contre Angers, bah, il ne le sort pas. Alors que nous, on pensait tous qu'il fallait le faire sortir à un moment donné, parce que c'était vraiment très très compliqué. C'est vraiment un de ses plus mauvais matchs depuis très très très longtemps. Au-delà d'être pas décisif, ça peut arriver, c'est pas toujours ça le problème. Mais là, vraiment, il a tout raté. Même la passe D qu'il fait pour le but de Bouffal, il fait une petite mibine, quoi. C'est tout léger, mais ça aurait pu aussi être visualisé par la VAR. Tant mieux pour nous, mais c'était vraiment rien. Mais oui, pour revenir à l'occasion ratée, là, juste avant le but, effectivement, il arrive devant les buts. Alors certes, il est excentré côté droit. La frappe qu'il fait, c'est n'importe quoi. Enfin, elle fait un petit filet, quoi. Enfin, là, il n'y a pas un poteau, il n'y a pas arrêt du gardien. Enfin, là, il y a vraiment un geste technique. Au moins la cadrer. Oui, voilà, si tu la cadres. Tu... Et c'est ça, en fait, c'est que j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est vrai que le nombre de frappes non cadrées, alors simplement les cadrer, quoi, et le nombre de frappes qui s'envolent au-dessus, à côté, au machin, dans le petit filet, c'est vraiment assez exaspérant. Ouais, c'est un peu le mot. Il n'y a personne dans le chat qui va réclamer Reda Kadra pour cadrer des frappes. Voilà. Alors je l'ai fait. Mais au-delà de ça, le problème que tu as avec Soumaré, c'est que tu n'as personne à mettre à la place, quoi. Pourquoi est-ce qu'il sort pas? Parce que tu veux mettre qui à la place? Bah, le problème de Soumaré, surtout, c'est que dans le domaine aérien, il fait tellement de bien que. Voilà, il y a ça aussi. Ouais. T'es jamais à l'abri que sur une déviation, il y a une passe décisive ou qu'il arrive à prendre la tête à la 10e. Non, mais il faudra avoir quelqu'un derrière qui soit capable de récupérer ses déviations, parce que généralement, souvent, il n'est pas suivi. Donc, il faudrait en fait un attaque à de pointe et avoir un petit profil de joueur qui soit capable de prendre de partir en transition rapide et de pouvoir aller directement au but. Enfin, s'ils ont joué des déviations. C'est dommage que c'est pour ça que, bon, même si c'est pas forcément, peut-être c'est encore un peu vert, bon, Kétan, après, je pense que Kétan, il y a un peu d'extra sportif, donc on le voit plus, mais. Kétan, on le verra plus. Hein. Un mec comme Obougou, ça, je pense, ça peut, voilà, tu sais que Samata, de toute manière, tu vas pas le prolonger. Kierémé, ouais, moi j'ai toujours trouvé un peu limité, mais Obougou, bon, ça serait quand même intéressant de le voir de temps en temps aussi. C'est vrai qu'il n'est pas si mal que ça. Moi, je trouvais quand il a rentré, après, il a pas joué. Ouais. Pas joué beaucoup. Mais bon, après, voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage de pas se servir de sa détente et de. Il contrôle. Hein. C'est une tour de contrôle, hein, Sanganté. Tu le vois quand il est au duel, tu sais qu'il va l'avoir. Soumaré, j'ai dit ça. Ah, pardon. On en parlera tout à l'heure. Moi, je suis chafouin ce soir. C'est dommage qu'on profite pas justement de cette qualité de saut, voilà, pour avoir un joueur autour pour récupérer les ballons. Et Après, il saute, mais souvent le ballon, il va à droite, à gauche. Même lui, il sait pas trop où ça va. Hein, donc, il saute. Oh, la balle perdue. Oh, la balle perdue. Non, mais c'est pas une balle perdue. C'est que c'est vrai. C'est qu'il est au duel. Comme ça, c'est... Après, c'est super. Hein. Mm. Mais voilà. Et vous pensez que. Allez, petite parenthèse. Vous pensez qu'il restera pas sous marée? Non, non, il partira. Est-ce que vous voulez qu'il reste? Sauf s'il trouve rien, mais ça va faire un petit peu bah, comme Casimir l'an dernier. Maintenant, il peut se vendre, parce que mine de rien, il a marqué 5 buts l'an dernier, 6 buts cette année. C'est un attaquant à plus de 10 buts en Ligue 1. Il peut se vendre à une équipe de milieu de tableau ou une autre équipe qui joue le maintien comme Auxerre, mais qui a plus de thunes. Moi, je propose de l'envoyer à 3 et qu'il nous saborde 3 là. Enfin, voilà. Après, moi, j'ai pas d'infos d'inside ou quoi que ce soit, mais pour moi, ce serait logique qu'il parte. Par rapport même au développement de sa carrière, je veux dire, à un moment, s'il veut aller voir un peu plus haut, il va falloir qu'il quitte le fin fond de la Ligue 1. Est-ce qu'il a les capacités de le faire? Ça, on le saura plus tard. Hein. On a vu, par exemple, que Josué, bah, c'est pas forcément une réussite. Mais le problème, c'est que c'est des joueurs qui sont très entraîneurs dépendants, comme Casimir. En fait, Casimir, quand il est pas en confiance. Lui, il avait le mental, il n'avait pas forcément la technique, c'est un peu pareil que Soumaré. Hein. Il avait le mental, il avait le physique, mais quand c'est des joueurs qui ne sont pas en confiance, qui sont machin, bah ça te passe tout de suite mal. Et Soumaré, à mon avis, s'il n'a pas l'entraîneur qu'il lui faut, ça va être pareil, ça va finir en réserve. Quoi. Après, s'il tombe sur un Digger-like, ça peut le faire. J'ai vu la question de Emily qui disait est-ce qu'il n'a pas besoin de souffler Soumaré? C'est un des joueurs qui a. Ça a failli être un joueur qui a joué tout le temps. Cette saison. Mm-hmm. Vous rappelez, je crois qu'à Rennes, il me semble, il avait été sorti et il n'était pas content du tout. Parce que, voilà, il a joué toutes les minutes. Et je ne sais pas. On a l'impression qu'il a du coffre. Mais oui, peut-être. Est-ce qu'il n'a pas besoin de souffler? Après, tu veux mettre qui à la place, comme vous disiez tout à l'heure? Je pense qu'il ne soufflera pas. Je pense que Soumaré restera jusqu'à la fin. Mm. Il va souffler avec sa suspension. Soumaré? Sans compter, ouais. Non, sans compter. Ah oui, mais on parlait de. De sous-marin. Mais bon, enfin bref, peu importe. Du coup, mi-temps, un partout, on va reprendre le fil. JC, est-ce que tu as trouvé cette première mi-temps frustrante ou plutôt encourageante? Un peu des deux, mon chef. En fait, on a eu un cas de visage. La première du demi-heure, on va dire qu'on était plutôt entreprenante, et la deuxième partie de la première mi-temps était plutôt frustrante. Mais aussi, bah, je pense qu'il faut aussi se l'avouer, il y a quand même le réveil des Angevins qui a joué beaucoup. Là où je suis frustré, à la rigueur, c'est le fait de pas avoir vu mon équipe être capable de marquer un deuxième but pour faire le 2-0, parce que je pense qu'il y a vraiment la place à ce moment-là. Mais sinon, quand Angers est revenu en match, non, Libye, ils auraient même pu être devant à la première mi-temps. Hein. Ça aurait pu arriver aussi. Hein. Ils ont eu comme quelques situations assez chaudes. Donc, non, au final, assez logique ce nul de un but partout à la mi-temps. Ouais, donc retour du vestiaire, on prend les mêmes et on recommence. Nouvelle énorme occasion d'Issa Soumaré, on en a parlé tout à l'heure. Superbement lancé par Sofiane Boufal sur le côté droit. Thomas, je ne sais pas si tu te souviens de cette action. Hervé Kofi sort super bien, mais est-ce que Soumaré n'avait pas mieux à faire que lui tirer en plein dedans? Bah oui, probablement. Probablement. Mais après, Soumaré, on sait que le face-à-face, c'est pas le domaine où il est le meilleur, pour le coup, sans lui faire offense. Hein, autant c'est très très bon dans les airs, autant effectivement face-à-face, je l'ai jamais trouvé très rassurant, même si on a mis un contre Toulouse, de mémoire. Bah, Toulouse, ouais. Donc, ouais. Voilà, c'est là où aussi certains disaient tout à l'heure dans le chat, et on a parlé, c'est pas un vrai neuf, effectivement. Il n'a pas l'instinct de tenter des trucs un petit peu dans ces situations-là. Il va toujours essayer de jouer la plus safe, et forcément, bah, là, c'est difficile d'éviter le gardien quand tu veux... Quand tu veux faire une frappe basique, on va dire. Donc, ouais, un peu déçu, effectivement, mais c'est pas celle qui m'a le plus frustré en deuxième mi-temps, je vais pas te mentir. Eh bah, je veux parler d'une autre occasion, puis tu vas me dire si c'est celle-là qui t'a frustré, mais 60e minute, encore un super travail de Sofiane Boufal qui déborde une nouvelle fois sur le côté droit, et d'une subtile louche du droit, on voit le ballon dans la surface de réparation. Remise de Samata de la tête pour une demi-volée d'Issa Soumaré, magnifiquement détournée par Kofi, qui a réalisé un match énorme hier. C'est vrai qu'on est tombé sur un Kofi, un très bon Kofi, puisque c'est un super gardien quand même. Voilà. Est-ce que c'était ce but-là qui t'a laissé frustré, Thomas? Ce but-là. Bah, je sais plus si c'était la 60e, mais ouais, c'est la grosse parade de Kofi, ouais, où il s'envole. Je sais plus si c'était Soumaré du coup. C'est bien possible. Ouais, c'est Soumaré. Ouais, celle-là, encore. Je l'ai voyée au fond. Honnêtement, j'ai vu la parade. J'ai fait, oh, il est costaud. Et puis, c'est là où je commence à me dire, ça va être difficile d'en mettre un deuxième aujourd'hui parce que là, c'est le moment où j'ai vu que Kofi, il était chaud. Et effectivement, il en a sorti quand même quelques-unes en deuxième mi-temps. Il a fait un très, très gros match. Donc ouais, elle m'a frustré parce que voilà, je la voyais au fond et puis parce que j'ai ces moments où je me suis dit le gardien est chaud, ça va être très très difficile d'y aller au bout quoi. Ouais, complètement. Mais Kofi a fait un grand match, mais ça reste c'est un super gardien de Ligue 1. Hein, Kofi, je sais pas si Angers va réussir à le garder, mais Déjà il appartient pas à Angers, donc c'est réglé. Ah bah je ne savais pas. Oui, il est en prêt, hein, il est à Lens, Kofi. Clément. Ouais. Ok. Eh ben, comme Clément confirme, mais ouais. On a deux gars qui, nous, on est là avec JC, puis on est en Ouzbékistan. Si, il est en prêt de. Tu m'as rejoint alors. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin bref, donc on n'a plus rien eu à se mettre sous la dent. C'est vrai que le match a été assez équilibré. Jusqu'au sanganté chaud. Voilà, j'ai appelé ça le sanganté chaud parce que. Ouais, je suis chafouin, vous l'avez bien résumé tout à l'heure, je suis un peu tendu. Ouvrons donc le dossier Aruna Sanganté, si vous voulez bien. 75e minute de jeu, le ballon est sur la ligne médiane, juste devant les bandes touches. Aucun risque, aucune action dangereuse. Et là, capitaine Sanganté est venu mettre un bon coup de crampon dans le genou de Belkebla. Geste complètement stupide, geste hyper dangereux qui aurait pu gravement blesser le joueur en juin. Stupide, dangereux, carton rouge logique contre le hack. Thomas, j'ai plus les mots pour qualifier ce geste, surtout que Sanganté est un multi-récidiviste. Bah, c'est ça, ouais. Guy Georges. On regardait justement avant le live, on regardait les stats. Enfin, j'ai revérifié les stats. Sanganté, il prend pas tant de cartons que ça. Mais alors, les cartons débiles qu'il prend pour les rouges, c'est un truc de fou. Ouais. Il a pris que 3 cartons rouges en Ligue 1. Mais alors, les 3 fois, c'était vraiment des craquages, comme tu dis, au milieu de terrain. La faute, il l'a fait à 10 cm de là où il l'a fait l'an dernier à Angers. Tu fais un moment au milieu de terrain. Même si l'année dernière, c'est Esteban Le Poll, je crois, qui prend ses crampons dans la tête. C'est une action bizarre, effectivement, et ça finit dans les crampons dans la tête. Pareil, contre Toulouse, c'est quasiment sur la ligne médiane. Ouais, c'est pas là où à la 50e seconde contre Toulouse, quand même, faut le dire. Donc il en prend pas tant que ça, mais alors par contre, ceux qui prend, ils font vraiment tâche dans le sens où c'est pas des cartons de sacrifice, c'est pas des cartons où t'es derrière le défenseur et tu sauves un but, c'est des cartons où t'aurais pu juste laisser la balle passer et puis il serait pas arrivé grand chose, quoi. Et c'est là où il y a des petites sautes de concentration comme ça qui font que il est frustrant Aruna parce qu'il peut être excellent d'un jour et il peut être un peu dans l'espace 30 secondes plus tard et du coup il va sans doute prendre un, deux, peut-être trois matchs et j'espère qu'il n'en prendra pas quatre parce que ça voudrait dire fin de saison et j'aimerais bien le revoir quand même au moins une fois il est frustrant et ce genre de faute ça saoule un peu parce que comme tu dis, hein, c'est de la récidive au bout d'un moment, ça fait 3 fois qu'il nous fait le coup, en 2 saisons, ça va quoi. C'est inexplicable, t'as l'impression qu'il débranche, et puis il fonce, ouais. Il réfléchit pas, pourtant il est capitaine, il a plus de 120 matchs je crois en pro, il est capitaine, il a 24-25 ans. Ouais. Enfin, ça me saoule. Clément, t'as eu des mots très très durs, toi, après le match. T'as été catégorique. Tu veux plus le voir porter le maillot du hack. Le problème, c'est que moi, je rappelle, c'est ce que je disais il y a 2 ans avec Opéry. Et c'est qu'en fait, le simple fait qu'il ait signé autre part. Qu'il ait signé et qu'il ait donné un accord à sa vie. Avant la fin de la saison. Juste ça, je trouve ça. Très très limite, mais très limite. Alors, est-ce que c'est sorti dans la presse, que c'est pas de son fait, son machin, ça je m'en fous, mais le fait est que c'est sorti dans la presse, donc je trouve ça très limite, déjà première chose. Il est capitaine, hein. C'est pas Jo Clodo, c'est pas Ayouté. Hein. Deuxième chose, j'ai encore trop rien dit sur le fait qu'il ait signé un machin. Deuxième chose, quand t'as un statut de capitaine, ton équipe se bat pour le maintien, et en plus tu sais que tu vas te barrer à la fin de la saison, tu dois être irréprochable. Mais irréprochable, c'est-à-dire que tous tes matchs, les 5 matchs qui te restent, tu te donnes à fond, et limite tu vas être le meilleur joueur de l'équipe. Là, ce qu'il fait là, non seulement, déjà il flingue la fin du match, oui. Deuxièmement, il flingue ses coéquipiers aussi parce que Digard probablement l'aurait aligné contre Metz et autres. Donc ça va, Digard va devoir changer de tactique ou mettre un autre. Et troisièmement, quel exemple tu montres ? Enfin, je sais pas, tu vas t'engager à... Mais moi, je pense à Séville, il fait ça. C'est-à-dire, une première fois, et quatre matchs après, être expulsé à la 50e seconde, et 4-5 matchs après, faire une faute au milieu de terrain comme ça, mais les mecs, ils vont pas s'amuser à le revoir sur le terrain une troisième fois. Hein. Je peux te dire il va jouer avec la Secunda, et puis ça va être fini. Il va être prêté à Ibiza ou je sais pas où, là, après, et puis tu le reverras plus. Hein. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il se mette dans le crâne que si vraiment il veut faire une bonne carrière, il a intérêt vraiment à gommer ses sauts de concentration. Et encore, je suis assez gentil quand je dis sauts de concentration. Surtout que là, je le disais, c'était au milieu de terrain, il n'y avait absolument rien de dangereux. Rien, Non. absolument rien. Ouais. JC, est-ce que tu veux rebondir sur Clément Président? Clément, tu Je sais ce qu'il te passe à faire. JC, quel est ton sentiment sur Sangante? Voilà, est-ce que tu es aussi colère Bah oui, c'est l'incompréhension, quoi. Ça arrive une fois, deux fois, là ça fait trois fois en à peine un an. Enfin, je veux dire, c'est sur la ligne médiane, enfin, y a rien pour le défendre, y a aucune raison de faire ça. Je sais même pas si on peut défendre, je veux dire, c'est même pas une question d'être maladroit, enfin là, c'est C'est stupide. ridicule, en fait. Ouais, c'est stupide, et je suis même pas sûr qu'il ait vraiment conscience de ça, parce que il sort, tu vois, on voit qu'il est comme surpris, alors bon, ok, le joueur n'est pas blessé, etc., enfin, le joueur en juin n'est pas blessé, et encore heureusement, parce que s'il est touché, le mec, il est mort, enfin là, il a plus de genoux, quoi. Donc, bon, Il y écoutez, a, il y a, compliqué, il y a un truc compliqué, dans le chat. compliqué. Dans le chat, il dit c'est un joueur brutal, mais c'est pas en fait. T'avais des joueurs qui étaient brutaux quand, je sais pas si les plus anciens se rappellent, mais des Cyril Roll, des Cyril Jeune-Champs, ça c'est des joueurs qui étaient vraiment brutaux ça. Mais sans compter, il est pas brutal, c'est juste qu'en fait il fait des fautes débiles. C'est juste con quoi. Horrible. Si encore il était brutal comme un Cyril Roll, on dirait bon bah il est comme ça, c'est son jeu, voilà. Mais là, c'est débile, c'est stupide. T'as Mais c'est raison. pas c'est enfin Tu brilles. Cyril Roll aurait jamais pris un rouge au milieu du terrain comme ça quoique sur un tacle assassin peut-être mais Ouais, en tout Cyril cas Roll, il a un bon casier quand ouais même. Ouais, bah après oui. c'était des rouges un peu c'était beau quoi c'est du rouge tu vois du tacle du pédicolé des machins comme ça Ouais, une note mais artistique, quoi. oui c'était pas des fautes des fautes connes comme ça. Ouais, mais c'est là où il est frustrant, Aruna. C'est voilà, il va te faire 3-4 bons matchs et derrière il fait un craquage et il se retrouve suspendu et tu te dis bah ça efface un peu ce qu'il a fait. Et c'est dommage parce que voilà, moi j'ai pas envie qu'il parte en ayant le public à dos parce qu'il a quand même apporté beaucoup depuis 4 ans. Il n'a rien fait 2 saisons qu'il est capitaine. Ce serait dommage qu'il parte avec une mauvaise image quoi, parce que il a quand Moi, même fait beaucoup quoi. je pense que l'avoir mis capitaine, ça a été une erreur de dégâts. Moi, je suis Oui, convaincu je que. Je suis j'étais pas convaincu, pour. c'était. Ouais. Après, on n'est pas dans le vestiaire non plus, mais je pense que. Je sais pas, je trouve que. Bon, après, ça n'a pas rejailli sur l'équipe, mais. Non. Je sais pas, je le voyais. Le problème, en fait, quand tu mets un joueur capitaine, après, c'est compliqué. Là, Digard, il a le cul entre deux chaises parce que c'est ton capitaine. C'est un joueur qui va faire ses adieux au Havre. Donc, ça aurait été, je pense que si c'était Zagadou qui avait fait ça, Zagadou, tu le voyais pas de la fin de la saison. Hein. Ouais, clairement, oui. Et là, il va devoir, à mon avis, il va devoir le remettre. S'il prend trois matchs, il va devoir le remettre contre Lorient. Bon, Mais le. ça dépendra où on en est. Si on est maintenu, il peut faire jouer Zagadou, hein. Bah ouais, À mais mon bon, avis, après ton capitaine qui se barre à Séville, quand même, t'as envie de le faire jouer, quoi. oui. Oui, c'est cet Peut-être aspect-là. contre Marseille. Bah, je sais même pas si on l'aura Et contre puis Marseille. le problème, c'est qu'en plus, ton capitaine, tu le mets pas sur le banc. Donc Sangante, c'est le premier joueur qui l'aligne, quoi. Mais ça sera plus ton capitaine d'ici quelques mois, enfin Ah quelques oui, mais. matchs. Je te rappelle que le vice-capitaine, du coup, qui prend le brassard, Clément, quand on Mais sort, de c'est toute façon, marrant. c'est simple. Digard, il y a trois noms qui va aligner sur le terrain. C'est Soumaré, Lloris et Sangante. Et après, il construit autour. Mais c'est les trois joueurs avec qui il va jouer. Obligatoirement. S'ils sont dispo, ils joueront. Oui. Et le reste, ça va Oui. tourner. Mais peut-être Bonhomme Pourquoi il a maintenant été aussi, mais choisi et capitaine? encore. D'ailleurs, c'est pas Digard qui l'a choisi capitaine, hein, c'était avant, c'était avec Elsner, pour la première saison en Ligue 1, quand Lecal est parti. Bonne question. Lecal est parti en montant Ligue Ah, 1, il est peut-être. capitaine, et à ce Mais moment-là, moi, il il n'y me a plus de semblait. capitaine, puisque Lecal est parti, donc c'est Sangante qui C'est a pas repris le Desmas qui était flambeau. capitaine? Non. Non, C'est pas non, Desmas, mais Desmas. je suis pas sûr que c'était. Je Je sais vais aller pas. regarder, je vais essayer de Desmas, c'était regarder. pas Ah, mais capitaine avant. C'est sûr. c'est Ah. possible. Ouais. C'est possible. Je regarde sur le match. Je vois pas qui d'autre on a eu comme capitaine parce que ça veut dire que c'est on a eu Josué un match ou deux, notamment en coupe. Après, après ça a tourné. Il y a eu une époque où c'était Casimir. Après, il y a eu un petit peu Youté aussi, mais sinon le vrai, ça a toujours été. Youté était capitaine. Là. Je me rappelle pas. Non, pas Youté. Youté, sa première saison Ligue 1 était bon. Hein. Ouais, c'est bon. Donc Casimir et. Amélioré, je pense que Yoris n'a pas assez de personnalité pour être capitaine, je pense. Ouais, peut-être ça aussi. Hein. Non, ouais, mais c'est vrai lui qui a rendu les autres, quoi. C'est pas lui que tu vois aller bousculer un petit peu les autres, quoi. Bah après, il a pas l'étoffe. Le problème, c'est qu'un capitaine, c'était exemplaire, quoi. Quand tu vois les autres capitaines, quand tu vois Benjamin André à Lille. Quand tu vois, Yabdelli à Angers. Non, c'est ça. C'est le problème, c'est que je trouve qu'il a du mal à. Il montre pas l'exemple, quoi. Si tu veux, c'est dommage parce que c'est. Il est pas exemplaire. Hein. C'est pas. Ouais, mais c'est pas. Enfin, le gars, ça va être un super gars et même, je pense que footballistiquement, il a du talent. Après, bon, c'est juste qu'à mon avis, ce qui va le freiner dans sa carrière, c'est les sauts de concentration. C'est même pas tellement le rouge à Toulouse que je en veux, c'est le but qu'on se prend à la 90e à Lille. Moi, j'ai vraiment dû contre Lille à domicile. Contre Lille. Ouais. Où ils étaient à 10 contre 11 et il fait une erreur monumentale en défense et. Moi, c'est ce match-là qui me reste en travers de la gorge. Tiens, JC, pour montrer que tu avais raison, hop, j'ai fait mes petites recherches. Attends, si j'arrive à vous le mettre, tac. Et effectivement, ah ouais. Arunas Sanganté pourrait avoir le profil, donc oui, tu avais raison, c'est Lucas Elsner qui l'avait. C'est le seul article que j'ai trouvé, mais a priori, c'est sur Lucas Elsner, donc c'est de la continuité. Bref, voilà, je pense qu'on a tout dit sur Sanganté. On va quand même y revenir juste après pour le débat. Oui, on lui souhaite quand même bon courage dans sa carrière. Hein. Après, on n'est pas. Oui, bah bien sûr. Non, c'est juste là, on est. Là, c'est pas le moment de nous faire ça en fait. C'est ça, pas nous rendre service pour le maintien. On n'est pas maintenu. Il nous sort n'importe quoi. Surtout qu'on est dans une zone de trouble, donc on va y revenir après. Enfin, après, coup, franchement, et moi j'espère qu'il prendra 3 matchs, parce que s'il joue contre Marseille, le stade, je ne sais pas comment il va l'accueillir. Hein. Surtout que Marseille, l'an dernier, il avait fait 2 belles boulettes. Hein. Oh la vache, oui. Ouais, il y a 2 belles boulettes l'an dernier. Oh, oui. Oh là là. Ah, oui. On parlait d'exemplarité tout à l'heure, il y a un domaine dans lequel il est exemplaire et je pense que c'est aussi ça qui lui vaut le capitanat, c'est l'engagement. Genre, il ne baisse jamais la tête, il est toujours à 110%. Là-dessus, il n'y a rien à lui reprocher, mais c'est peut-être justement l'excès d'engagement qui fait que des fois, il craque, il se déconcentre parce qu'il n'assume rien. J'ai du mal avec l'excès d'engagement, honnêtement. Avec ? Pour moi, cette histoire d'excès d'engagement, pour moi, c'est vraiment pas ça, c'est des sauts de concentration. Quoi. Il n'est pas dans son match, ouais, il y a ouais, des mais... moments où il tilt. Ouais, c'est... peut-être aussi, ouais. On va tourner la page, enfin en tout cas la page carton rouge Sanganté. On va revenir sur son futur départ. Clément, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Avant, je voudrais avoir votre avis sur le petit sondage qu'on a fait tout à l'heure sur le fait que, à savoir si ce résultat face Angers, est-ce que c'est un point de pris ou 2 points de perdu. Attends, Thomas, ouais, je sais pas si tu as les résultats. Voilà, le sondage Radio Bière Foot RMC, donc vous êtes 75%, non je plaisante, ouais. On est... enfin, bref, de 75% à penser qu'on a perdu 2 points et seulement 25% à penser que c'est un bon point de gagner. Je vous interrogeais à tour de rôle, à savoir ce que vous en pensez. JC, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est 2 points de perdu ou 1 point de gagné? C'est pas évident à répondre comme ça, mais je dirais que c'est quand même 2 points de perdu, dans le sens où par rapport au match précédent à l'extérieur, on a eu vraiment des vraies situations, des vraies occasions de marquer. Et on a été vraiment maladroit devant les buts. Alors certes, Kofi a fait un super match, mais quand même, on aurait dû marquer plus, on aurait dû gagner. Je suis persuadé que, par exemple, Auxerre aurait gagné ce match-là, vous voyez, avec le même Angers. C'est juste que nous, on n'arrive pas à scorer, malheureusement. Clément. Bah moi, faut mettre en relation avec les résultats d'Auxerre, et de Nantes, de Metz et de Nice. Donc, pour moi, c'est un point de gagné. Quand tu vois, alors je pense que si Auxerre avait gagné à Monaco, ça aurait été 2 points de perdu. Mais vu le résultat des autres, un point de gagné, ouais. Thomas, tu peux retirer si tu veux le sondage qu'on puisse te voir. T'inquiète. Bah, moi, sur la rencontre, je suis plutôt de l'avis qu'effectivement, c'est deux points perdus, parce que je pense qu'on a eu les meilleures occasions, plus d'occasions qu'en Angers, hein, même si on n'a pas été ultra dominateur avec la balle, on a quand même eu les occasions les plus franches. Et puis surtout, c'est la première fois depuis 8 matchs que je trouve que c'est un match qu'on aurait dû gagner. Pas juste qu'on aurait pu, mais qu'on aurait dû gagner parce qu'on a mis les ingrédients. Donc, envie de dire deux points de perdu, mais après, je suis d'accord aussi avec ce que dit Clément, c'est-à-dire quand tu regardes le classement, ce point-là, il fait du bien, il permet de laisser les autres derrière à même distance, et plus la fin du championnat approche, et plus c'est les autres qui ont un effort à faire que nous. Donc voilà, mine de rien, on atteint la barre des 30 points aussi, c'est pas négligeable. Donc, je vais faire une bonne réponse de Normand, mais je dirais l'un et l'autre, un peu des deux. Ouais, moi, je suis. Oui, Clément. Et surtout, je vais peut-être te spoiler ton conducteur, mais 30 points, ça veut dire une victoire à Metz. On va en parler. Ouais. Et 33 points, normalement, c'est fait. On va en parler. Juste avant de revenir sur cette opération maintien, je voudrais lancer le petit débat du soir, mesdames et messieurs. On va profiter, donc, comme je disais tout à l'heure, de l'expulsion de Sanganté pour évoquer sa situation contractuelle et réagir à son transfert, mais aussi à une phrase que j'ai pu lire sur les réseaux assez régulièrement depuis l'arrivée de la team Bodmer, selon laquelle selon certaines personnes, le hack ne saurait pas vendre. Voilà. Ouais. On va y revenir. Ce débat-là. J'aime bien faire parler les détracteurs et c'est bien, ça nous donne un peu de sujet. Donc, pour recontextualiser les choses, Aruna, donc en fin de contrat, a signé il y a une semaine environ au FC Séville pour une durée de 5 ans. D'ailleurs, tiens, j'y sais juste avant d'entamer le débat. Est-ce que pour toi, juste, c'est une grosse perte pour le hack de perdre Sanganté? Une grosse perte, non, je n'irai pas jusque-là. Une perte, oui, surtout que c'est un joueur qui va partir libre, donc on ne va même pas récupérer une petite indemnité. Donc déjà, ça, c'est quand même un petit peu fâcheux dans notre situation financière. Après, en tant que joueur de football, oui, c'est un joueur qu'on va pouvoir remplacer, je suppose, pas facilement, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. C'est un joueur qui est quand même irrégulier. Voilà, on sait, on a discuté juste avant. Effectivement, ses sautes de concentration, ses grosses fautes qu'il est capable. En fait, on n'est jamais totalement serein avec lui. On ne sait jamais s'il peut péter un pont à tout moment. Après, il est capable aussi d'apporter beaucoup, beaucoup de choses à l'équipe. On sait que c'est quand même le gars qui a le plus maniaque dans l'équipe, qui est capable d'emmener ses collègues avec lui. Et puis, il est aussi décisif parce qu'il a marqué quand même de beaux buts. Très très important, donc ça on va pas l'oublier. Donc oui, une perte, c'est une perte. Donc on va profiter. Je vais vous donner mon avis, répondre sur cette question. Je vois que dans le chat, il y en a qui sont d'accord qu'on ne sait pas vendre. Moi, je vais vous donner mon avis. Peut-être perçu comme un petit coup de gueule, comme il y a deux semaines contre les sifflets de sur Casimir. Moi, cette fois, c'est contre les experts Football Manager sur Twitter qui nous disent que le hack c'est moi ça. Ouais, et qu'on voit encore un joueur partir gratuitement. Là-dessus, ils ont raison, il y a aucun souci. Enfin, on est tous d'accord, on perd encore un joueur gratuitement, c'est un fait. Mais dire que le hack ne sait pas vendre, moi je trouve que c'est facile de dire ça. Pour rappel, vendre un joueur de foot, c'est pas juste faire un clic avec sa souris, l'envoyer 10 millions d'euros dans un club slovaque, tu vois. Dans le processus de vente d'un joueur, il y a trois parties prenantes. Il faut que ces trois parties prenantes soient d'accord. Il y a le club vendeur, l'agent, si tu veux. Ah oui, c'est hyper cinquième du coup. Le club vendeur, le club acheteur et le joueur. Le club qui vend le joueur attend une certaine somme en adéquation avec la valeur du joueur, en tout cas la valeur qu'il estime. Certaines fois, il surévalue le joueur, c'est possible. Dans le cas du hack, les propositions reçues pour certains joueurs ont été jugées insignifiantes, voire limite irrespectueuses par moment. C'est ce que le président Roussier a pu dire à plusieurs reprises. Ensuite, si un club met l'argent, comme un club danois par exemple, au hasard, et que le montant convient à un club vendeur, il faut l'accord du joueur. C'est pas un jeu, t'es pas sur Football Manager, tu peux pas obliger un joueur à signer dans un club où il veut pas aller, ça c'est pas possible. Il y en a qui font, hein. Quitte à y le faire. Ben, c'est pas possible, en tout cas nous, non. Voilà, donc messieurs, j'ai ouvert les hostilités, est-ce que selon vous le hack ne sait pas vendre? Thomas, je te file le bébé. Comme tu dis, c'est surtout un marché en fait. Faut pas arrêter de penser que c'est pas juste quelqu'un qui achète, quelqu'un qui vend. Il y a aussi le joueur, effectivement. Tu parlais de Sanganté, il a refusé une offre au Danemark que le hack avait accepté, hein, donc financièrement qui était intéressant. Donc on était prêt à s'en séparer contre de l'argent, il n'y a pas de problème, c'est lui qui n'a pas voulu. C'était pareil pour UT, hein, il y a quelques saisons, c'est à l'époque où UT était encore un joueur de Ligue 1, où on avait eu une offre à 7 ou 8 millions, je sais plus, venu d'Allemagne. Ouais, 5-6 millions. Ouais. Voilà, ça l'a fait mal, hein. Ouais, et oui. Après, il y a là aussi où il y en a peut-être certains qui vont tomber de haut. c'est que les mecs se sont vus très très beaux. Je dis pas ça pour Sangante, parce que je pense que Sangante, il peut peut-être s'imposer en Espagne. Mais Youté, clairement, il vaut plus 7 millions et je pense pas qu'il y a un club allemand qui va venir le ramasser. Donc à un moment, il y a aussi des gens, des joueurs, des entourages qui ont des aspirations qui sont peut-être pas forcément réalistes non plus, que ce soit en termes de finances, de nous, ce qu'on peut claquer ou de là où ils peuvent atterrir. Ils se voient tous en première ligue, mais encore une fois, il y a juste le Danemark et l'Allemagne qui sont durs en renseignement pour nos grosses cotes. Et après, il y a des joueurs qu'on a bien vendus. Enfin, Joujou, encore une fois, je suis désolé, mais Parme, on leur a mis une belle carotte. Hein. Et moi, j'adore beaucoup le voir, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des stats, voilà. Ngoura, l'an dernier, qui part avec 0 but, 0 passe décisive pour 3 millions, c'est pas mal non plus. Hein. Donc, je serais mesuré là-dessus. Je ne vais pas dire qu'on ne sait pas vendre. Peut-être qu'on n'arrive pas à être assez convaincant auprès de nos joueurs quand il y a des opportunités qui sont intéressantes pour le club. Mais comme tu dis, hein, si un joueur ne veut pas aller jouer à Copenhague, bah, tu ne peux pas le forcer. Quoi. Juste pour rappel, je vois qu'il y a très peu de réponses dans le sondage. Le sondage énoncé, le hack ne sait pas vendre. Tapez 1 si vous êtes d'accord, tapez 2 si vous n'êtes pas d'accord. Pour l'instant, c'est du 100% d'accord. Je vois des gens dans le chat en commentaire qui disent « Non, c'est faux », etc. Tapez 2 dans ces cas-là. Laissez, voilà, battez-vous, luttez. C'est l'instinct que j'ai dit. Comment on tape 2 ah, voilà. Tu tapes 2. Voilà. Allez, allez, la team 2, tapez 2. Je me sens seul. Non, je plaisante. Voilà. Je vous repasse le bébé. JC, est-ce qu'on sait pas vendre? Est-ce que c'est la faute du hack si nos joueurs partent gratos? Non, non, c'est pas forcément. Enfin, là où on peut être on est en difficulté par rapport à, au marché de transfert, c'est aussi la situation, bah déjà, la situation financière globale du football. Parce que nous, on n'a pas beaucoup de moyens, mais les autres clubs non plus n'ont pas beaucoup de moyens, il faut quand même se l'avouer. Et nous, le problème qu'on peut avoir par rapport à nos joueurs sous contrat, c'est que la gestion des contrats est vraiment complexe. C'est-à-dire que pour nous, c'est très très compliqué de prolonger un joueur ou de faire signer un joueur sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme il faudrait faire, parce qu'on sait qu'un joueur comme Sangante, on sait qu'il y a des joueurs comme ça, on sait qu'à un moment donné, bah, on va pouvoir les monnayer et les vendre. Sauf que malheureusement, à chaque fois, on doit faire des prolongations. C'est un an plus un en cas de maintien, etc. Il y a toujours des petites options qui font qu'en fait, on est toujours sur des joueurs qui sont à vendre soit l'été, soit dans un an. Mais on ne peut pas avoir une vision plus longue où bah, finalement, il y a la valeur du joueur, mais là, surtout la valeur contractuelle. Et plus un joueur a une valeur contractuelle importante, bah plus forcément, si c'est un joueur qui est bankable, bah les autres clubs vont devoir mettre la main au portefeuille pour pouvoir l'acheter. Donc il y a aussi tout un ensemble de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas le fait de savoir vendre ou pas vendre, forcément qu'on arrivera à vendre, mais il faut aussi avoir la possibilité d'avoir un peu plus de moyens financiers, de pouvoir déjà avoir des joueurs sous contrat déjà durée plus longue. Et puis aussi, il faut se l'avouer, on n'a pas non plus eu jusqu'à présent, depuis la remontée, le joueur où tout le monde s'arrache. On ne l'a pas eu. Par exemple, Troyes, ils ont ce joueur-là. Bon, a priori, il y a tous les gros clubs qui sont dessus. Bah, nous, on aurait un joueur comme ça. Bah, on n'a pas à se poser de question si le hack a de l'argent ou pas d'argent. S'il vaut 25, les clubs mettront 25. Hein. Là, nous, on va voir Seco quand même. Là. Ouais, bah, justement. Justement, Clément, autre chose aussi, autre argument, c'est que les autres clubs savent qu'on n'a pas de thunes et que dans tous les cas, c'est compliqué. Ils savent très bien qu'on ne va pas négocier des joueurs comme Sangante, etc., pour des grosses sommes. Ouais. Après, je pense que tu as quand même des clubs qui tentent, comme disait Roussier, de faire des offres un peu mirobolantes. Ouais, bah, mais en fait, c'est tellement ta. Tellement multifactoriel comme réponse à t'apporter, c'est que ça pourrait prendre. C'est... En fait, en effet, comme dit JC, tu as le côté financier, le côté des contrats. Comme vous dites aussi, bah, il faut aussi que les joueurs acceptent. En fait, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que c'est très compliqué. En plus, encore quand les joueurs acceptent, il faut te mettre d'accord avec les agents. Enfin, c'est tellement compliqué. Et le problème, en fait, ce qui se passe, je pense, si on extrapole un peu, c'est que. On souffre un peu de la comparaison avec d'autres clubs comme Angers. Angers qui a vendu pour je sais pas combien de millions d'euros entre Prosper là qui va partir, Sheriff ils ont vendu pour quoi 20 millions d'euros. Sheriff le 1 million, je crois. Ouais. Après la grosse différence c'est que déjà c'est des attaquants donc c'est des valeurs qui sont relativement rares sur le marché donc plus cher. Et comme disait JC malheureusement on n'a pas eu le joueur ou les joueurs et ça je pense que ça vient en partie un peu des entraîneurs. Alors c'est pas à charge ce que je vais dire mais c'est que Didier Digard a toujours privilégié l'aspect collectif à plutôt l'aspect joueur. Donc évidemment, on va pas forcément. Il aimait pas avoir une star dans son équipe, donc on va pas avoir forcément avoir le joueur qui va exploser qui va avoir comme l'a fait Matondo, comme l'a fait Abdelli et autres, on n'aura pas de vrai, là on a Boufal et encore c'est pas trop mal, mais on va pas avoir de jeunes joueurs comme ça qui, je pense, qui vont exploser et qui vont tout de suite valoir 15 millions d'euros. Donc je pense qu'il y a, il y a un peu tout ça à prendre en compte, et je trouve pas forcément qu'on vend mal. Je trouve que malheureusement nos joueurs sont pas forcément hyper bankable. Et là, sans Ganté qui arrive en fin de contrat, qu'est-ce que tu, enfin, on a essayé de le dégager l'été dernier au Danemark, il a pas voulu aller, il a préféré attendre la fin de son contrat. Je vois pas ce qu'on aurait pu faire d'autre à part le foutre dans un loft, lui dire attends tu pars. c'est ça. Je vois le commentaire de Guillaume que tu as partagé, Thomas. Quand une grosse offre arrive, il faut l'accepter et lui faire partir le joueur. Mais tu peux pas l'obliger, tu peux pas le mettre dans un avion pour l'envoyer à Copenhague. Ce qui s'est passé, c'est que pour Jute, c'était ce qui s'est passé, mais le mec a jamais voulu. Sans Ganté au Danemark. Il va s'en mordre les doigts. Il va s'en mordre les doigts, Jute. J'en sais rien, mais c'est déjà le cas à mon avis. Hein. Après, ce qui est aussi à prendre en compte, c'est que Sans Ganté et Jute, on les a prolongés. Hein. C'est-à-dire que les deux, on les a entre guillemets forcé un peu, leur a un peu forcé la main pour qu'ils prolongent. Et derrière, c'est sûr que c'était dans l'optique, je pense, de les vendre. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme c'était prévu. Après, c'était des défenseurs, c'est plus compliqué à vendre aussi que des attaquants ou des milieux de terrain. Mais ouais, je pense que non, mais c'est compliqué. Après, là où je suis un peu déçu, entre guillemets, c'est plus encore un autre volet, c'est l'apport de Blue Crow qui nous permettrait de ne pas brader des joueurs. Quoi. Thierry, l'été dernier, je l'ai encore en travers de la gorge quand même. Ça, l'apport de Blue Crow, on va en parler d'ici quelques semaines, juste à la fin, quand on sera maintenu, là, peut-être à partir de la semaine prochaine ou dans 15 jours. Mais, t'as déjà un indice, hein, Guillaume, sur Blue Crow. La prolongation de Gauthier-Louris, c'est dans le prochain budget qu'elle se fait. On lui a offert des cacahuètes, donc c'est qu'ils n'ont pas prévu de mettre la main bassinée. Hein. On verra bien, mais dans ces cas-là, on est dans la merde et j'ai pas envie. On va vite avoir des banderoles contre eux si effectivement s'ils ne travaillent pas cet été. Ouais. Blue Crow rend l'argent, quoi. Bah, ou Filzon déjà. Après, cet été, on aura Seiko qui va partir pour je sais pas combien, peut-être 15 millions d'euros, peut-être s'il fait une bonne Coupe du Monde. Bon, ouais, mais t'as la team numéro 1 là qui veut nous dire non mais le hack c'est pas à vendre quand Seiko va partir pour faire vidéo. je pense que Seiko on va quand même bien le vendre. Surtout si Seiko Seiko il y a tout ce qui fait un bon mondial. Et puis je pense qu'il y aura plein de clubs sur lui aussi, donc tu vas faire monter les enchères, tu vas dire machin m'a proposé tant, est-ce que vous mettez tant. Après, ça va vraiment dépendre de ce que veut faire Blue Crow, de leur stratégie, s'ils veulent investir ou pas. Parce que Wavre, ouais, effectivement, si tu investis notamment sur l'offensif, il y a moyen de monter une bonne petite équipe, mine de rien. Ça va être la vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce que déjà, par exemple, mettons, tu vends Seiko 10 millions, ça tournait dans ces eaux-là cet hiver, et tu as un déficit structurel de 10 millions. Donc déjà, s'ils veulent pas mettre d'argent, la première vente, elle leur sert juste à remettre... les contrats d'équilibre. C'est ce qui risque de se passer, quoi. Après, du coup, tu veux vendre qui à 10 millions ? Je vous propose d'inviter Jeff Leno dans l'émission, puis Thomas va faire le bilan. Ils sont parlé des droits TV qui vont baisser, qui vont diviser par deux. Hein. Donc là, on perd encore 5 millions dans l'histoire. Hein. Ouais. J'ai vu Bordeaux sur Ligue 1 Plus l'autre jour. Bordeaux ? Ils ont récupéré les matchs de Bordeaux, donc Bordeaux est sur Ligue 1 plus. Mais... Ils vont récupérer la Ligue 3 normalement aussi. Ah, bref. C'est bien. Bref. Donc voilà, on a terminé ce petit débat. Bah, écoutez, je suis surpris des 70%. La team numéro 2 n'était pas présente ce soir. Mais le problème, c'est qu'on souffre de la comparaison en fait. Parce que c'est vrai que quand tu compares à Angers, on fait plus. C'est vrai qu'on est nulle part, mais bon, en même temps, Angers a eu de la chance, tombé sur une bonne génération de jeunes joueurs, quoi. Mais c'est là aussi où je repense ce que tu disais tout à l'heure, Clément, c'est que Angers, ils vendent des attaquants. Hein. Ouais, mais c'est aussi. Nous, et un milieu de terrain, ils ont aussi vendu Abdelli, mais Abdelli était un très bon. Mais Abdelli, ils n'ont pas vendu 20 millions. Non, mais t'as fait le contrat, lui, c'est vrai, non. Ouais, parce que tu et vois, puis, nous, même Ngoura, encore une fois, j'insiste, hein, qui était à 0 but, 0 passe décisive quand on l'a vendu 3 millions, parce que c'est un attaquant et qui avait du potentiel. Il allait faire une bonne saison Belgique. Et surtout qu'il était en équipe de France, hein, c'est ça, s'il était en équipe de France, on l'aurait pas. Ouais. Mais demain, si tu sors un gars du centre de formation qui met juste 5 buts, qui fait une saison là sous marée, mettons, 5-6 buts, qui est pas ouf, mais qui est bien, bah, il part à 15 millions sans problème. Peut-être la saison prochaine avec Obougou. C'était 5 buts. 5 buts. Pourquoi pas. Ouais, il a juste fait un super début de saison, il est parti. Donc, si on a un mec comme Obougou, en plus, qui a signé son premier contrat chez nous, qui nous plante quelques buts dès le début de la saison, ça peut le faire aussi. Obougou, si on perd sa saison prochaine, ouais, tu fais un bon bah, on verra, on ne sait pas qui sera le coach, on ne sait même pas que... Enfin, bref, on en reparlera dans une prochaine émission, où on demandera à Jeff, effectivement. Thomas, il est affûté, là, il est prêt à recevoir Jeff Lennar. Il faudrait qu'on ait Mathieu aussi. De quoi ? Oui, Mathieu Bonnemer. Ouais. Mathieu pour la spéciale dernier. La spéciale Bonnemer. D'ailleurs, j'espère que la team viendra lui dire qu'il ne sait pas vendre. Bah, il va répondre. Hein, il va dire. Il va rage-quitte et il va tous vous faire un peu. Ouais, parce que beaucoup Mathieu, je le trouve plutôt ouvert à la discussion. Ouais, mais je pense qu'il faut aussi la. Bon, on pourrait lui poser la question. C'est intéressant comme. Je pense comme argumentaire, l'argumentaire qu'il pourrait développer par rapport à ça. D'ailleurs, peut-être qu'on le verra dimanche, petite parenthèse. Oh là, je sais pas. On verra. Donc, ce serait l'occasion de lui poser la question. Bref, petit visuel sur le classement, après ce merveilleux match à Angers. Youpi. Oh, bah dis donc, ça change pas. Voilà. Bah, tant mieux pour toujours nous. Les spaces se suivent et s'enchaînent et le classement ne bouge pas. Donc oui, tant mieux. Si ça bouge. Il n'y a que les points qui changent. Bah, on prend un point par un point par un point. T'as l'impression que tu joues au 1000 bornes et que tu pioches la petite case 25, 25, 25, 25. T'as personne qui te met un pneu crevé. Là, pour l'instant, on est tranquille. On roule bien. Pour ceux qui ont la ref et qui connaissent les vieux qui savent jouer au 1000 bornes. Et pourtant, on a eu peur avec OCR hein, ce week-end. La vache. Et ben bah, ouais, t'en parlais tout à l'heure. Moi, perso, j'étais en dépression à la mi-temps de Monaco. Oh là là. C'est foutu. OCR qui menait 2-0 à Monaco à la mi-temps. Nantes qui a été rejoint par Brest dans les arrêts de jeu à la 96e, je crois, par Chardonnay. Malheureusement, là, on s'est fini. Nice qui fait match nul à Lille, alors que Lille, ils étaient en pleine bourre. Ils avaient laminé Toulouse à Toulouse. Enfin, je me disais, ils vont leur rouler dessus. Ce championnat, c'est... de toute façon, il ne faut jamais compter sur les grosses équipes, hein, de toute façon, que ce soit Lille, Monaco. Dès qu'il faut jouer un mal classé, sauf nous, ils jouent comme des merdes. Bref, pardon. Sur le classement, ce qui est intéressant, alors on va faire un peu de football fiction, mais si Nice perd à Marseille et Auxerre perd à Lyon... Attends, je te mets le visuel des prochains, voilà. Du calendrier. Enfin, si Nice perd à Marseille et Auxerre perd à Lyon, je pense qu'ils jouent avant nous, hein. Lyon-Auxerre, c'est samedi à 17h. Ça veut dire que si nous on gagne contre Metz, on a 33 points. Et ça veut dire que pour descendre ou être barragiste, il faudrait que Nice gagne contre Lens et contre Metz, et que Auxerre gagne contre Angers, Nice et Lille. Ouais, exactement. Je me suis hier avant d'aller me coucher, je me suis fait le calcul. Donc ça veut dire que si on gagne, dis-moi. Ouais. Non, mais pour qu'on descende directement, il faut que surtout que Nantes batte Rennes, Marseille, Lens, Toulouse. On n'en parle pas. On ne descendra pas directement, c'est les barrages. Non. Ouais. Bah, ils jouent mercredi d'ailleurs, Nantes, contre Paris en retard. Donc on sera ce week-end. Ouais. Clément, oui, excuse-moi, je t'ai coupé sur ta réflexion par rapport à ça. Si on bat Metz, c'est bon quoi. On a perdu Clément. Regarde, on dirait qu'il dort. Je pense Clément, qu'il a bougé en fait. Ok, on dirait qu'il dort, c'est trop mignon. Clément, Clément. À votre avis, dans le chat, on va faire un sondage. Est-ce que Clément dort? Tapez 1 si vous pensez qu'il dort. Tapez 2 s'il bug. Non, je pense qu'il est à l'aéroport et il est parti rejoindre JC en Ouzbékistan. On a perdu Clément. Effectivement, les gars, je vous pose la question. Si on bat Metz, Auxerre aura. Il restera. Attendez, si je dis pas de bêtises. On aura 8 points d'avance. 8 points d'avance à 3 matchs de la fin. Ouais, les chiffres, c'est toi. Vaut mieux que je te demande. 8 points d'avance. Si Auxerre ne bat pas Lyon, on aura 8 points d'avance et il restera 3 matchs à jouer. Donc, ils reçoivent Angers et Nice. C'est faisable pour eux, par contre, déplacement à Lille sur la dernière journée, il y a des chances que ce soit fait. Et puis derrière, c'est vrai qu'il y a Nice aussi qui se déplace à Marseille, qui reçoit Lens, qui va à Auxerre. Ben, dans tous les cas, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Du coup, la question, et attention. Ah mais oui, il y a un sondage. Le sondage, c'est pas sur Clément, est-ce qu'il dort? Mais non. Voilà, c'est ça. le match contre le match contre Metz est-il une finale pour le maintien? Taper 1 pour oui, taper 2 pour non. C'est le dernier sondage de la Star Academy. Donc n'hésitez pas. Est-ce que c'est une finale ce match contre Metz? Et peut-être que d'ici là, on aura Clément. Non, Clément, Clément, non, ça ne fonctionne pas. Clément rêve d'Europe. Ouais, je pense, ouais. Les gars, donc oui, effectivement, c'est la finale de ce championnat, de notre championnat. C'est dimanche. Mais, là où c'est frustrant, c'est que ça aurait peut-être pas dû l'être, quoi. On aurait pu se sauver avant. Non. On a perdu, on a laissé des plumes sur, dans bah voilà, bah ça fait 8 matchs. On a pris 4 points en 8 matchs, quoi. 4 points sur 32, hein, c'est ridicule. Bah après, voilà, dans une mauvaise passe, ça arrive tous les ans. L'an dernier, ça nous était arrivé aussi en novembre-décembre. Mm-hmm. Le fait est qu'on se met une petite pression quand même contre Metz, parce que si on gagne pas celui-là, ah, oui. Après derrière, on va commencer à cogiter. Alors qu'on aurait peut-être pu déjà être maintenu, en fait, si on avait été gratté une victoire ou deux à Nantes, par exemple, ou même à Angers ce week-end, on n'en parlerait pas. Donc effectivement, ouais, c'est mécaniquement une finale, mais je pense qu'on malheureusement c'est une finale qu'on n'aurait pas dû avoir à jouer, quoi. Non. Il faut avoir ça, on va avoir une grosse pression quand même sur ce match-là. On va jouer Metz qui va être qui est définitif, hein, qui est voilà presque officiellement en Ligue 2, du moins qui devrait l'être après Océane. Mais voilà, ils vont peut-être jouer libéré. Enfin voilà, c'est ça aussi qui pourrait nous faire peur. Ils sont derniers, on sait hein, qu'ils sont moins forts que nous, ça, il n'y a pas de sujet, mais parfois un match, ça reste un match de football. Et on connaît nos difficultés à marquer, donc il suffit qu'on tombe sur le gardien qui fait le match de sa vie, et puis on n'y arrive pas, parce que pour X raisons. Voilà, c'est un match à gagner. Déjà, dans tous les calculs qu'on fait pour se maintenir, il faut gagner ce match-là. Moi, voilà. Après, c'est sûr que si on fait match nul, bon, voilà, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Parce qu'après, derrière, c'est Lille-Marseille-Lorient. Donc pour moi, il n'y a pas le choix, il faut gagner. Clément, si tu nous entends, redémarre. T'es sur PC. Redémarre ton PC, débranche la box. Attendez, je vais appeler Orange. T'as pensé à redémarrer ta box? Non, mais ouais. Tiens, d'ailleurs, je mets le. Ah, attends, vous commentez trop, là, j'arrive plus à suivre. Commentaire de Fabrice, je me suis planté tout à l'heure. C'est pas 4 points sur 32, c'est 4 points sur 24, effectivement. Ça fait quand même 20 points qui se sont envolés. Mais voilà, je continue de penser qu'on aurait dû déjà être sauvé avant de jouer PES. Ouais, la finale sera lors du match Auxerre-Nice. Ouais, après Auxerre-Nice, ça sera sur l'avant-dernière journée, Marine. J'espère que d'ici là, on sera sauvé, parce que sinon, ça pue. Ça veut dire qu'il faut qu'on batte, qu'on prenne les points contre Marseille ou à Lorient. Alors que Marseille, bon, certes, ils sont décrochés, mais ils vont vouloir remonter, je pense, pour décrocher l'Europe. Et Lorient qui n'a rien à jouer, ils en ont mis deux d'ailleurs à Marseille. Donc c'est plutôt inquiétant. Donc j'espère qu'on sera sauvé avant cette finale, comme tu disais, Auxerre-Nice. Moi, je sais pas quoi en penser. C'est vrai que pour moi, c'est effectivement le match qu'on doit gagner, vraiment. Ouais. Si on regarde les calendriers, on n'a plus que deux matchs vraiment jouables, nous, parce que Lille et Marseille, il y a quand même peu de chance, même si Marseille, ils sont dans le dur, effectivement. Il y a peu de chances qu'ils prennent 3 points sur ces matchs-là. Donc, il y a Metz. Et la chance qu'on va avoir, c'est que Lorient n'aura plus rien à jouer la dernière journée. Donc on peut les surprendre, même si ils sont costauds. Hein. Ah, oui. Mais voilà, il faut que tu ailles gratter encore une victoire. Et il n'y a plus que 2 matchs qui paraissent envisageables pour une victoire. Quoi. Mmh. Ouais, je ne sais pas. Moi, je ne les sens pas. Après, à Lille, l'année dernière, on a réussi, à faire quelque chose. Donc il y a moyen. Clément retente. On retente de faire entrer Clément. Voilà. Quel suspense. Mais ça va être un match décisif. Et puis j'ai vu tout à l'heure dans le chat, pour battre Metz, il faut marquer des buts. On marque, en fait. On marque. Contre le PFC, on marque 2 fois. Pas contre beaucoup. Angers, on marque 1 fois. On marque pas beaucoup, mais contre Nice, on marque 1 fois. On a marqué sur nos derniers matchs. Et oui, au moins on n'est plus en mode 4 matchs de suite sans marquer, ça je suis d'accord. Moi, ce que j'espère, c'est que si vous vous rappelez, l'année dernière, quand on a reçu Montpellier qui était au fond du trou, bah on n'a pas. Voilà, on les a enfoncés et c'est ça que j'espère voir dimanche prochain. C'est un hack rouleau compresseur, un hack qui veut se battre pour autre chose que pour un match nul, comme on a pu voir. Ouais, là, c'est ça. Comme on l'a été en jeu, finalement, parce qu'en jeu, je trouve qu'on a fait un vrai bon match pour le coup. On aurait dû gagner, on a fait ce qu'il fallait pour gagner. Après, on est tombé sur un Kofi qui était en état de grâce. Et si on fait le même match contre Metz. Un Sangonté complètement con, pardon. Il a fait une erreur, ça arrive. Enfin, ça lui arrive un peu plus. Il y a un sous-marin extrêmement maladroit aussi. Voilà. Ouais, après, c'est vrai que sa demi-volée là, en deuxième mi-temps, elle est cadrée. C'est vraiment Kofi, là, ouais. Pour le coup. Ouais. Mais Kofi a été mis en confiance justement par ses foirades précédentes. Donc, tu vois, ça peut jouer aussi. Enfin, bref. Mais voilà, ouais, ça va être un match super important. Donc, j'espère que le stade sera plein. J'espère que les supporters, en tout cas ceux qui vont pas trop souvent au stade, se rendent compte que c'est essentiel d'être là. Le public va avoir un rôle hyper important contre Metz. Comme on vous l'a dit il y a deux semaines, sauf pépin de dernière minute, l'équipe du Space sera présente au stade Océane comme la saison dernière pour couvrir cette fois la rencontre face à Metz et vous la faire vivre de l'intérieur. Alors, on n'est pas journaliste, on n'a pas les mêmes droits qu'eux, évidemment, hein, c'est logique, mais comme on le dit, cette émission est la vôtre, donc voilà, on va essayer de vous emmener à l'intérieur, de vous faire partager un petit peu notre aventure en zone mixte, en tribune presse, vous faire vivre de l'intérieur, en tout cas de l'autre côté du décor, ce match. On filmera pas le match, évidemment, mais voilà, on va essayer de vous proposer un avant-match en direct, pour pouvoir réagir avec vous et par les compos, par les groupes, etc. et se projeter sur cette rencontre. Donc voilà, j'espère que vous serez avec nous. Et puis, en tout cas, pour ceux qui ne seront pas au stade, et puis même ceux qui seront au stade, vous pourrez regarder si vous avez une petite connexion Internet, si vous voulez regarder sur YouTube, bah, vous nous verrez, mais de l'intérieur. Donc voilà, ce sera sympa à faire. Les gars, je pense que vous avez hâte d'y être. Je vous pose la question, mais oui. Je pense que je connais déjà votre réponse. C'est vrai que j'ai hâte. C'est et un puis, gros moment pour nous, ouais. Bah, puis autant l'an dernier on y avait été pour Marseille, donc c'était plutôt le côté match de gala et il y avait eu de très beaux tifos, notamment tout le monde s'en souvient côté ACFAN. Autant là on y va pour un match avec de l'enjeu, donc ça peut être voilà, je pense que ça va être une tension différente, mais ça va être un match hyper intéressant, ouais, donc moi, je suis content de pouvoir y être effectivement. Le match de Marseille la saison dernière était quand même un match très très très important pour nous, hein. On aurait gagné, voilà, on serait maintenu à ce moment-là, enfin, même si on le savait pas, mais la différence c'est que c'est pas Marseille, c'est Metz, donc là il y a quand même une possibilité, une probabilité de victoire qui est quand même beaucoup plus grande, et par contre un droit à erreur qui est d'autant plus grand, donc là, il n'y a pas le choix. Il faut y aller et il faudra gagner. Il faudra pousser. La pression va être à ce niveau-là, en fait. Après, est-ce que... Alors, je reviens. Est-ce qu'on aura peut-être moins de pression si Auxerre perd à Lyon? Le Nice-Marseille a lieu... Le Marseille-Nice a lieu quand, vous savez ou pas? À quelle heure? Le dimanche à 20h45. Donc, après. D'accord. Ok. Donc, le calendrier, vous me posez les questions, c'est bon. Le calendrier, c'est fait. Je connais tout par cœur. Bah, pas de souci. Non, mais c'est vrai qu'on aura peut-être un peu moins de pression. Quoique, si Auxerre perd à Lyon, il restera à Auxerre 9 points à prendre. Si on perd contre Metz, on n'aura que 5 points d'avance. Donc, ouais, non. N'oublie pas que Lyon vient de taper le PSG et a l'air de vouloir très fortement accrocher la 3e place. Hein. C'est étonnant. Donc, Auxerre à Lyon, bon courage à eux. Hein. Ouais. J'espère ils ont peut-être un Delcoche à Monaco, finalement. C'est pas impossible. Bref, voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur Auxerre, sur tout ça. Si vous avez des choses à rajouter en commentaire, n'hésitez pas pendant que je fais la conclusion de l'émission. Lyon-Auxerre samedi 17h, ouais, c'est ce qu'on disait. Ça sera avant notre match contre Metz. Donc on va croiser les doigts pour que ça se passe bien pour nous. Et puis voilà, donc, on verra bien. Bref, avant de nous quitter. Nous souhaitions féliciter chaleureusement les U18 féminines du HAC. Alors la petite photo, je l'avais prise il y a quelques tours avant à Laval, après leur victoire à Laval. Les filles se sont brillamment qualifiées pour la finale de la Coupe Nike, la Coupe I-18 féminine, comme je disais. L'équivalent de la Coupe Gambardella chez les hommes en battant Reims à Reims 1-0. Au tour précédent, elles avaient déjà battu Rennes à Rennes et donc le tour d'avant, Laval à Laval. Donc vraiment trois belles victoires à l'extérieur. Nos ciel et marines affronteront les joueuses du PSG en levée de rideau de la finale de la Coupe de France féminine qui aura lieu au stade du Hainaut de Valenciennes le 10 mai. Donc voilà, c'est la première édition de cette coupe. Bah, ça serait cool qu'on la gagne parce que c'est vrai que chez les mecs, bon, on a une tradition de ne pas voir les coupes d'ailleurs, de ne pas passer un tour. Et les filles, là, elles ont l'occasion de ramener un trophée à la maison. Et franchement, ça serait vraiment cool. Donc rendez-vous le 10 mai à Valenciennes en levée de rideau de la finale de la Coupe de France pour voir si on aura un trophée ciel et marine de plus dans la galerie. Voilà, c'est la fin de l'émission. A priori, pas de questions dans le chat, pas de sujet, les gars. Vous n'avez rien vu de spécial. Bravo non. À elle. Ouais, bravo aux filles. Carrément. Bravo aux filles, ouais. Et puis on va croiser les doigts pour dimanche, finir le travail. Mmh. Et puis voilà, pouvoir passer la fin de saison tranquillement, ce sera bien. Mmh. Parce que normalement, 4 victoires dimanche, effectivement, il y a de bonnes chances que ce soit fait. Donc voilà, ça fait 8 matchs qu'on lambine. Maintenant, il faut se sortir un petit peu les doigts et puis terminer le travail. Ouais, en après-match. Un match. On se fera un après-match où on célébrera et Vivien sera. J'allais dire une bêtise. Vivien célébrera la victoire sur le parvis. Ça serait rigolo. Bref. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro de SpaceX. J'espère qu'il vous a plu. Nous, en tout cas, on prend toujours autant de plaisir à l'animer et d'échanger avec vous notre amour des ciels et marines. C'est notre. Ça fait 4 ans, ça y est. Donc, quatrième saison qu'on a commencé en Ligue 2, les gars, je sais pas si vous vous souvenez, mais je suis tellement content qu'on en soit arrivé là et de partager notre passion Ciel et Marine avec vous tous. Donc, merci pour votre fidélité, merci d'avoir interagi avec les sondages. J'espère que ça vous a plu cette petite interaction que Thomas vous a proposée. C'était plutôt cool. Et on recommencera nous. Donc, on fera évidemment un direct normalement depuis le stade Océane si la technique nous le permet. Dans tous les cas, il y aura des vidéos après à suivre sur YouTube, sur Facebook, etc. de ce qu'on va voir, de ce qu'on fera. Et le prochain space à la maison en direct de chez nous, ça sera après le match de Lille le 4 mai. Mais avant ça, on va croiser fort les doigts pour battre Metz. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous abonner également à la chaîne de Thomas Nastiak, puisque Thomas, comme vous le savez depuis fort longtemps maintenant, nous propose des vlogs de super qualité sur les avant-matchs, les après-matchs, etc. Bon, mais c'est vrai. Donnez-lui de la force. Allez vous abonner à la page de Thomas Nastiak et abonnez-vous à la page du Space, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et puis activez la petite cloche pour rater aucune vidéo. Surtout dimanche, il va y avoir du contenu, donc ne manquez pas ça. Merci à tous pour votre fidélité. On vous laisse, on vous fait des bisous et puis on vous dit d'ici là, allez le hack. Salut à tous. Bonne soirée à tous.